travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. En 1986, donc, on va remplacer le scrutin majoritaire par la proportionnelle. Concrètement, les explications de Bernard Valette. Cela signifie que les électeurs ne voteront plus pour un homme, mais pour une liste. On ne pourra plus dire « mon député », mais on dira « un des députés de mon département ». C'est au prorata des suffrages exprimés pour chacune des listes que seront attribués les sièges sur la base d'un siège de député pour 100 000 habitants. Le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. François Bayrou vient de le dire sans embâge. Voilà une bataille que je n'envisage pas de perdre. Et pourtant, il risque fort de devoir s'y résigner, à en croire pour le moins les contraintes du calendrier. Il s'agit de l'élection des députés qu'il voudrait voir dans le futur organisée selon le principe d'une représentation proportionnelle qui se substituerait, au moins partiellement, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce pourrait être évidemment une tentation de voir là un débat bien lointain par rapport aux soucis actuels de nos compatriotes, un débat qu'on abandonnerait aux spécialistes éminents du droit constitutionnel. Et pourtant, ce désintérêt serait malvenu, car l'historien a plus que son mot à dire sur ce sujet de discorde, parce qu'il sait que celui-ci est presque aussi ancien que le suffrage populaire. Les systèmes électoraux n'ont pas cessé en France, comme ailleurs, d'entraîner de grandes conséquences sur l'évolution des partis, sur les mutations du personnel parlementaire, sur les comportements des citoyens envers leurs élus, sur leur confiance, sur leur frustration et sur leur révolte, autrement dit, sur le fonctionnement même de la démocratie. Je dis que l'historien se doit d'en traiter. Cet historien sera aujourd'hui en face de moi l'un des plus prestigieux, à savoir Michel Vinocq. Non seulement parce qu'il sait tout de notre passé politique dans les deux derniers siècles, des sensibilités, des affrontements, des logiques partisanes, mais parce qu'il a co-présidé en 2015 avec Claude Bartolone, alors président de l'Assemblée nationale, une commission sur l'avenir des institutions, dont les actes et les conclusions, publiées sous le titre « Refaire la démocratie », rien que ça, ont accordé une large place à la question des systèmes électoraux. À nous de vous démontrer que le recul temporel peut jeter sur cette affaire une lumière indispensable. Il faudrait que tous les courants du peuple français soient représentés. Il y a 50% des Français, ou presque, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, et ceci n'est pas acceptable. Oui. Là-dessus, Alain Juppé vous a répondu sur la proportionnelle. Il disait dans une interview au Nouvel Observateur « On croit rêver, en Italie ou en Israël, pays de la proportionnelle, il n'y a aucune corruption, c'est bien connu ». Oui, c'est une formule qui est évidemment fausse. Permettez-moi de rappeler que tous les pays européens, sans exception, sauf le nôtre, d'Europe continentale, tous les pays européens, sans exception, ont cette loi élémentaire que tous les courants d'opinion sont représentés. Après qu'on donne une prime majoritaire, moi ça me va, je plaide pour qu'il puisse y avoir une prime majoritaire qui garantisse la majorité à ceux qui sont arrivés en tête. Vous entendez bien, garantir la majorité. Mais que les autres soient représentés. Il n'y a aucune raison que 40% ou presque 50% des électeurs, ceux de l'extrême gauche, ceux de l'extrême droite, ceux du centre, n'aient pas de représentation pour une seule raison, c'est qu'ils ont refusé de se soumettre aux deux partis principaux, puisque ce sont les deux partis principaux qui attribuent la totalité ou presque à quelques unités près des sièges à l'Assemblée nationale. Et donc vous voyez bien que ces règles-là, d'égalité de tous devant la loi, devant l'impôt et devant la représentation, pour l'instant, elles ne sont pas traitées par les projets de loi présentés. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Eh bien, nous venons d'entendre François Bayrou, continuité d'une pensée. Cette archive date du 24 avril 2013, au micro de Patrick Cohen sur France Inter. les arguments essentiels sont déjà là, présents. Certainement. Dès l'instauration du vote et du suffrage universel, la question s'est posée. Proportionnel ou scrutin majoritaire d'arrondissement? Et c'est une vraie question politique. Au centre de débats, on pourrait dire interminables, puisque dès 1848, on se demande comment voter et que le choix d'un mode de scrutin influe nécessairement sur le résultat. Oui, sur le long terme, jusqu'aujourd'hui, de fait, ce n'est pas neuf ce débat. Nous allons le démontrer tout au long de notre conversation. Il ne peut d'ailleurs prendre toute sa portée que dès lors que le suffrage universel a été institué. Et par conséquent, la controverse est pratiquement aussi ancienne. Le suffrage universel a été institué en 1848. Alors, il faut dire, et ne pas l'oublier, que c'est un suffrage masculin. Parfois, on dit que c'est en 1792. Oui, alors ce n'est pas vrai? Alors, non, ce n'est pas exact. C'est-à-dire qu'après la chute de Louis XVI, il fallait voter pour une nouvelle assemblée constituante qu'on appellera la Convention. Et pour cette élection, il y a eu une nouveauté qui allait dans le sens démocratique, à savoir l'abolition de la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. Dans l'ancien scrutin, en effet, il y avait 4 millions d'électeurs et 3 millions de non-électeurs. Donc c'était pas encore un suffrage censitaire. La majorité des Français, hommes majeurs, pouvaient voter. Mais il y avait quand même une très forte minorité qui ne votait pas. Et pourquoi? Parce que les révolutionnaires, les constituants, estimaient que dans la population, il y avait des catégories de Français qui n'étaient pas libres. Alors, outre les femmes qui dépendaient de leur mari, selon eux, il y avait les domestiques. Parce que les domestiques étaient assujettis à l'autorité de leur maître. Il y avait les religieux, parce que les religieux disciplinés obéissaient à leur ordre, etc. Citoyens passifs. Citoyens passifs, voilà, non actifs. Alors, 92, on abolit cela, mais c'est pas encore un suffrage universel, parce que il y a encore des exclus, et notamment les domestiques, pour la raison que j'ai dite. Et puis il est à 2 degrés. Il y a un premier vote dans les départements qui élit un groupe chargé ensuite de désigner les députés. Voilà, il y a ce qu'on appelle les assemblées primaires et ensuite deuxième degré. Bon. Comme le Sénat aujourd'hui, en fait. Oui, exactement. Alors, donc, on peut dire c'est 1848 qui véritablement instaure le suffrage universel masculin. Et c'est une grande date. Ces élections, en effet, vont faire passer le corps électoral de 240 000 électeurs sous la monarchie de Juillet à 9 millions. Vous vous rendez compte? C'est un événement considérable et qui a été reçu avec enthousiasme. Et c'est dès ce moment-là que va commencer de se poser, en fait, exactement, en profondeur, la question du mode de scrutin. Mais écoutez donc, le décret qui a instauré le suffrage universel masculin en France, le 5 mars 48, donc, après la révolution de février, qui a mis à bas Louis-Philippe et la monarchie de Juillet, c'est un extrait des Chemins de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture, le 15 avril 2002. Le gouvernement provisoire de la République, voulant remettre le plus tôt possible aux mains d'un gouvernement définitif les pouvoirs qu'il exerce dans l'intérêt et par le commandement du peuple, décrète. Article 1er. Les assemblées électorales de canton sont convoquées au 9 avril prochain pour élire les représentants du peuple à l'Assemblée nationale qui doit décréter la Constitution. Article 2. L'élection aura pour base la population. Article 3. Le nombre total des représentants du peuple sera de 900, y compris l'Algérie et les colonies françaises. Article 4. Ils seront répartis entre les départements dans la proportion indiquée au tableau ci-joint. Article 5. Le suffrage sera direct et universel. Article 6. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, résidant depuis 6 mois, et non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. Article 7. Sont éligibles tous les Français âgés de 25 ans et non privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. Article 8. Le scrutin sera secret. Fait à Paris, en Conseil de gouvernement, le 5 mars 1848. Les membres du gouvernement provisoire, Armand Marat, Garnier Pagès, Arago, Albert, Marie, Crémieux, Dupont de l'Eure, Louis Blanc, Ledru-Rollin, Flocon, Lamartine. Donc, Michel Vinocq, le suffrage universel, définitivement ou à peu près, pour la suite, compte tenu de certains retours en arrière pendant la période conservatrice de la République, mais ce décret ne dit pas quel est le mode de scrutin. Alors, quel était-il ? Oui, c'est exact. Et ce décret a tout de suite provoqué des contestations, des réactions, parce que, d'abord, il fallait voter, comme on l'a entendu, au chef-lieu de canton. C'est-à-dire que l'électeur devait très souvent faire plusieurs kilomètres, et généralement à pied. Bon, mais au-delà de cela, il y avait chez beaucoup l'idée que élire un député, un représentant, c'était faire confiance à quelqu'un. Voici Raspail qui est d'extrême gauche et qui conteste le décret en disant « Les citoyens ne doivent donner leur vote qu'à un homme qui l'aurait connu. Voter sur l'inconnu, ce serait un acte de légèreté coupable envers les intérêts du pays tout entier. » Mais alors comment est-ce qu'on vote en 48? C'est un scrutin de liste départemental majoritaire. C'est-à-dire que l'électeur va se rendre au chef-lieu de canton, et nous avons une description de cette scène par Tocqueville qui est absolument magnifique. Tocqueville qui entraîne, on peut dire, ses gens, puisque c'est l'aristocrate de Valognes, qui entraîne ces gens qui sont souvent ses fermiers. Ils sont plus d'une centaine, je ne dis pas derrière lui, parce que Tocqueville a le souci démocratique et ne veut pas être en tête. Et comme ces gens sont ses électeurs, sont rangés en file par deux, n'est-ce pas, par ordre alphabétique, il se met à son rang, qui est la lettre T. Mais à un moment donné, il arrête la troupe et leur fait un discours. Et il leur dit, attention, quand on sera arrivé au bureau de vote, méfiez-vous de tous les gens qui vont vous entourer pour vous faire voter pour celui-ci ou pour celui-là. Vous devez voter en conscience. Et alors, ils arrivent au chef-lieu de canton, et là, les électeurs sont appelés par ordre alphabétique, un par un, oralement, commune par commune. Et ils viennent déposer un bulletin, parce que les bulletins pré-imprimés n'existent pas. Il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas d'isoloir. Donc, ils écrivent, et quand ils savent pas écrire, ils font écrire le nom de leur député. Et Tocqueville va arriver troisième, et il sera élu dans sa circonscription. Mais alors concrètement, c'est un système de liste uninominale ou bien comment ça marche, majoritaire? C'est un système de liste plurinominale, libre, non bloqué, parce qu'il n'existe pas de parti, n'est-ce pas? Et on peut même en rajouter, on peut même voter pour des gens qu'on n'avait pas mis sur les listes, et c'est un système majoritaire. Et ceux qui, individuellement, ont reçu le plus de voix sont élus. Mais dès ce moment-là, dès 1848, il y a des débats, on voit apparaître l'idée que la proportionnelle pourrait être utile, la proportionnelle au sens d'aujourd'hui. Certains agitent même des citations de la première révolution, Mirabeau ou Sieyès, Mirabeau qui disait « Les assemblées représentatives doivent contenir tous les éléments du pays » avec leurs proportions, sans que les éléments les plus considérables puissent faire disparaître les moindres. Mais en réalité, on se trompe, parce qu'il parlait là des ordres. Oui, et même chose chez Sieyès, dans « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Il dit « Le corps représentatif est à la place de la nation. Il doit conserver la même nature, les mêmes proportions et les mêmes règles. » Mais c'est la même idée. Oui, les défenseurs de la proportionnelle en parlent au nom de la justice. Et les défenseurs du scrutin majoritaire, eux, défendent l'idée de la gouvernabilité. Mais la justice, en l'occurrence, c'était vraiment le refus des ordres qui était inégaux. Ce n'était pas la défense d'une proportionnalité au sens actuel. Oui, effectivement. Et du reste, on a doublé le tiers-état, si vous en souvenez. Mais dès ce mi-temps du 19e siècle, certains minoritaires défendent l'idée de l'élection proportionnelle. Je vois que Victor Considérant, le fourriériste, pose la question d'une représentation systématique des minorités. Et que le Dru-Rollin, dont nous entendions le nom tout à l'heure, le Dru-Rollin, en 1846, deux ans avant de devenir ministre du nouveau régime, écrivait dans la Réforme « On connaît les idées du Parti démocratique en matière d'élection. Elles sont simples. Il professe que tout citoyen a un droit imprescriptible à sa part proportionnelle dans la représentation nationale. » Et Louis Blanc va dans le même sens, dans un écrit un peu plus tard qui s'appelle « De la représentation proportionnelle des minorités ». Là où il n'y a pas d'égalité de représentation, on peut poser hardiment, en fait, qu'il n'y a pas de démocratie. Louis Blanc avant Bayrou. L'idée qui va devenir une idée forte chez les Républicains, c'est que l'Assemblée, la Chambre des députés, doit représenter véritablement la nation. Elle doit être à l'image, n'est-ce pas, du suffrage universel, si ce nom veut dire quelque chose. Prévost Paradol écrit, l'Assemblée doit être le miroir de la nation. Voilà. Alors, les critiques de cette théorie, c'est que si l'on procède par la proportionnelle, on arrive à l'émiettement de la représentation, et du même coup à la difficulté extrême de former une majorité. Donc on trouve dès ce moment-là la grande controverse de fond. Faut-il privilégier la fidélité à la diversité des opinions, ou faut-il l'organiser, ce reflet, de telle sorte que l'efficacité de l'exécutif ne soit pas mise en cause? Exactement. Alors les uns et les autres ont des arguments. Indiscutablement. Ceux qui objectent à la proportionnelle, justement, ce risque d'émiettement, on leur répond, mais il y a des pratiques, des moyens de pondération qui permettent, par conséquent, de répondre aux vœux d'une juste représentation, tout en assurant quand même une majorité. Alors, parmi ces moyens, il y a d'abord l'idée de seuil. L'idée de seuil, c'est-à-dire que les listes, les partis ensuite, qui n'atteindraient pas, selon les pays, 3 ou 5% sont exclus. Donc, l'émiettement est relatif, parce que, évidemment, si toutes les opinions devaient être représentées, on aurait un manteau bariolé d'arlequins qui servirait, n'est-ce pas, d'assemblée. Les moindres groupuscules auraient un député. Donc, l'idée de seuil, c'est déjà un frein considérable à cette idée de pulvérisation de la représentation. Il y a d'ailleurs un contre-exemple qui est actuellement le cas d'Israël. Nous avons un système proportionnel national, unique. Et avec un seuil extrêmement bas, à telle enseigne que sont élus des représentants des tout petits partis. Je pense à ce cas d'un escroc il y a quelque temps qui avait été élu et qui a vendu évidemment extrêmement cher son soutien au gouvernement. On arrive à des combinaisons. Donc cette idée de seuil est dès ce moment-là très importante. Mais il y a d'autres moyens. Par exemple, le suffrage intégral n'a qu'une circonscription. C'est le territoire en entier. Alors que on peut parfaitement diviser les circonscriptions. Et généralement, ça se fait. En France, la circonscription, pour les scrutins proportionnels, c'était le département. Alors déjà, ça atténue considérablement l'effet de pulvérisation, d'émiettement. Mais ça dépend aussi de la taille du département. Quand il n'y a qu'un seul ou deux députés, il est difficile de faire de la proportionnelle. Évidemment. Et c'est pourquoi, du reste, pour l'élection au Sénat, on distingue deux sortes de départements, ceux qui ont beaucoup de sénateurs à élire et les autres qui n'en ont que trois, moins de trois. Alors, cette opposition de doctrine, on la trouve de longue main. Je vais vous donner à entendre un extrait de la Tribune de Paris, 1955, on est sous le gouvernement de Pierre Mendès-France, peu de temps avant la chute de la 4e République, et c'est un dialogue entre entre Maurice Schumann et Maurice Duverger. Il s'agit du rétablissement éventuel du scrutin d'arrondissement après la pratique d'un scrutin proportionnel que nous évoquons tout à l'heure. Mais écoutez, les arguments sont là. On est sur Paris Inter le 25 janvier 1955. Messieurs, lorsque le président Manès France a proposé à la Chambre de discuter du problème du scrutin d'arrondissement, je crois qu'il a jeté un pavé dans la mare qui a remué pas mal d'eau. Qu'en pensez-vous, Maurice Schumann ? Un pavé dans les mares stagnantes, c'est la définition que depuis très longtemps on a donnée du scrutin d'arrondissement. Laissez-moi vous dire d'abord combien je trouve désolant et même désespérant qu'au moment même où se posent tant de problèmes sur le plan intérieur et sur le plan international, nous ayons à discuter d'une pareille question. Pour moi, le scrutin d'arrondissement, c'est, selon l'expression de Jean Jaurès, le scrutin d'avilissement. Mais ce n'est pas le principal reproche que j'ai à lui adresser dans les circonstances présentes. Vous nous avez demandé tout à l'heure si le scrutin d'arrondissement modifierait considérablement la physionomie de la Chambre. J'en ai la conviction. Je crois que la modification principale serait la suivante. D'une part, la représentation propre du Parti communiste serait probablement diminuée, mais d'autre part, le Parti communiste serait dans un grand nombre de circonscriptions, et peut-être même dans la majorité des circonscriptions, l'arbitre du second tour. C'est lui, en d'autres termes, qui choisirait les élus. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que seraient les incidences intérieures et surtout internationales d'une pareille réforme, si j'ose appliquer le mot de réforme, à une rechute dans ce que vous avez appelé si justement les mares. Est-ce une rechute, Maurice Duverger ? D'abord, en ce qui concerne les mares stagnantes, je voudrais dire que stagnation pour stagnation, on sait maintenant, d'après des études assez précises qui ont été faites, que la proportionnelle aboutit à un immobilisme électoral au moins aussi grand, et même probablement plus grand, que le scrutin d'arrondissement. Quant à la question très précise qui a été posée de savoir si la réforme du mode de scrutin et le retour à l'arrondissement changeraient la physionomie de l'Assemblée, je suis d'accord avec Maurice Schumann pour répondre oui. Je ne suis pas absolument d'accord avec lui quant à son interprétation du changement. La situation me paraît être la suivante. À l'heure actuelle, les électeurs votent sans que leur vote puisse avoir une signification directe sur la formation d'une majorité. Enfin, depuis 1951, nous avons eu bien des majorités d'orientation différentes. Toutes ces majorités ont été faites sans indication des électeurs. L'avantage dans un scrutin d'arrondissement, dans un scrutin à deux tours en France, dans un pays de multipartisme, c'est que les électeurs expriment à la fois leur préférence personnelle pour un parti et leur préférence pour telle ou telle forme d'alliance, car on sait très bien qu'un scrutin de ce genre aboutirait à la formation de deux grandes coalitions dans le pays. Voilà des arguments face à face et deux personnages intéressants. Maurice Schumann, c'est l'ancien porte-parole de la France libre, qui est à l'époque un des leaders du mouvement démocrate chrétien, qui est le MRP. En quelque sorte au MRP, mais MRP, dans la ligne duquel se situe aujourd'hui François Bayrou, en somme. C'est vrai que la tradition démocrate chrétienne est tout à fait favorable au scrutin proportionnel. C'est le cas de tous les partis charnières qui risquent, avec un scrutin, et qui sont effectivement, avec le scrutin majoritaire, complètement laminés, écrasés par les deux grands partis qui sont de part et d'autre, la gauche et la droite. Du reste, ce n'est pas un enjeu qui divise simplement la droite et la gauche. Dans les deux camps, par conséquent, nous avons des pour et des contre, la représentation proportionnelle, qu'on appelle la RP, et en face, les partisans du scrutin uninominal majoritaire. Les RPistes et les arrondissementiers. Alors pourquoi ces divisions ? Évidemment, on a évoqué la morale, parce que la proportionnelle, c'est beaucoup plus juste, mais dans l'un et l'autre cas, leurs défenseurs, évidemment, veulent défendre leurs propres intérêts de parti. C'est bien naturel. Et c'est pourquoi c'est un vrai problème politique, un enjeu politique. Et on en change de mode de scrutin en raison des circonstances. Car le mode de scrutin n'est pas inscrit dans la Constitution. Il dépend d'une loi. Et par conséquent, on peut en changer tant qu'on veut. Avec cette seule nouveauté depuis quelques années, que c'est une loi qui porte le nom d'Alain Richard, sénateur, qui interdit de changer le mode d'élection un an avant le futur scrutin, d'où la question d'aujourd'hui. Voilà. Mais il faut dire un mot aussi de Maurice Duverger, qui est à l'époque un professeur de droit très, très connu, très, très notoire, et qui a publié un livre qui demeure un classique sur les partis politiques en 1951, où il fait la théorie précisément de l'opposition des trois familles. Il explique que, et des conséquences sur l'organisation des partis, c'est son idée. Lorsque il y a un système majoritaire à un tour, comme en Angleterre, on arrive résultat tout à fait bipartisme. Si c'est à deux tours, il explique qu'on arrive à des partis multiples et souples. Et si c'est la RP, un éparpillement avec l'obligation de faire ensuite des coalitions. Il était plutôt hostile lui-même à la proportionnelle. Oui, parce qu'il pensait que le mode de scrutin conditionnait la vie politique du pays. Et la nature des partis. Exactement, et la nature des partis. Alors que c'est discutable. C'est discutable, parce que comme Georges Lavaux a pu le lui dire... Un autre politologue éminent. Bien connu, c'est que la vie politique, le système politique d'un pays ne dépend pas seulement d'un mode de scrutin, mais bel et bien de son histoire, de sa sociologie, de sa géographie, de toutes sortes de déterminants qui ne sont pas réductibles au mode de scrutin. C'est ce qu'a toujours dit d'ailleurs le général de Gaulle, qui a fait des choix différents en 1945, où il a choisi la proportionnelle, et en 1958, où il a choisi un système uninominal à deux tours. Il disait d'ailleurs dans une conférence de presse en mars 50, vous l'avez rejoint d'ailleurs à cet égard, quant à la variété des situations et au rôle des contingences, il disait « Quant à moi, je crois en effet à l'importance du mode de scrutin, certes, mais à mon sens, cette importance est tout à fait secondaire par rapport à celle du régime. Nous avons expérimenté, nous Français, tous les systèmes électoraux possibles et aucun n'a jamais pu compenser la malfaisance du régime des partis, etc. En particulier, dit-il, c'est une aimable plaisanterie que de dire, comme on le fait parfois, qu'il suffirait d'établir en France un système majoritaire pour que l'État soit régénéré. » Il a choisi le système majoritaire en 58, mais nous sommes 7 ans auparavant. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Mais il faut que nous revenions en arrière dans la ligne de notre émission consacrée au mode de scrutin et à ses conséquences politiques, c'est-à-dire à la période de la Troisième République où les débats ont fait florès. Les 30 ou 40 premières années de la Troisième ont été le moment où la question du scrutin et du mode de scrutin a été centrale dans les affrontements. Oui, certainement. Le Second Empire avait pratiqué le mode de scrutin d'arrondissement parce que Napoléon III estimait qu'il était le plus favorable à sa cause, c'était le scrutin des notables. Avec la candidature officielle. Avec, en plus, candidature officielle. Soutenue par les préfets. Ce qui n'existe plus, évidemment, avec la République. Alors, normalement, si le scrutin d'arrondissement est le scrutin de la droite, des notables, il va de soi que les Républicains, la gauche, donc, défendent le scrutin proportionnel. Et effectivement, pendant toute la durée de la Troisième République, vous avez eu la défense de la RP, comme on dit, mais en même temps, les radicaux qui représentent une forte proportion des élus de la gauche, eux, étaient favorables au scrutin majoritaire, au scrutin qu'on appelait d'arrondissement, parce que il contrôlait beaucoup mieux le conditionnement électoral dans le cadre réduit de l'arrondissement. Il n'y avait pas de grands partis à l'époque, de partis tout court, il y avait des comités. Les candidatures se faisaient par le moyen des journaux, des clubs et des comités proches, très souvent, de la franc-maçonnerie. Donc les radicaux avaient cette idée, n'est-ce pas, qu'ils contrôlaient bien l'arrondissement. Contrairement aux socialistes qui, eux, défendaient, comme plus tard les communistes, défendaient le scrutin proportionnel. Jean Jaurès était explicite à cet égard. Clémenceau reste très, très attaché à l'idée du scrutin d'arrondissement. Exactement. Et la controverse va prendre une nouvelle flamme, s'embraser à la veille de 1914, selon des circonstances qui méritent qu'on s'y attarde. Encore une fois, le choix, c'est aussi le choix de l'intérêt de chaque formation politique à un moment donné. Alors, par exemple, en 1885, alors qu'on pratiquait jusque-là le suffrage d'arrondissement, en 85, on va instaurer, pour répondre aux vœux républicains, le suffrage majoritaire à deux tours, mais un suffrage de liste. Or, ces élections vont avoir pour résultat, bien justement, un déséquilibre, un émiettement de la représentation et une difficulté à trouver une majorité de surcroît. Le phénomène boulangiste. Alors, le général Boulanger va avoir la possibilité non seulement de se présenter individuellement à des élections partielles, mais en même temps dans plusieurs circonscriptions. C'était possible. Et effectivement, il l'emporte parfois dans plusieurs circonscriptions, ce qui donne évidemment une dynamique formidable au mouvement boulangiste, très inquiétant, qui risque, aux élections qui vont suivre, de l'emporter par conséquent et de renverser le régime parlementaire en place. C'est là qu'un ministre de l'Intérieur nommé Constant, auquel la République doit demeurer redevable, revient au système uninominal. La loi Constant permet de briser... contribue à briser la vague boulangiste. Exactement. Et là, donc, on voit que c'est, à quel point c'est important. Et donc, de à partir des élections suivantes, jusqu'à la Grande Guerre, il y aura ce scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui fait la loi, quoique il soit sans arrêt attaqué, et notamment par des gens aussi bien de gauche que de droite, les deux positions pro et anti-suffrage proportionnel sont bien résumés par deux déclarations opposées, celle d'Alain, le philosophe Alain, qui est proche du Parti radical et qui défend le scrutin d'arrondissement, et par Aristide Briand, qui a été ministre et qui, lui, défend la RP, la fameuse représentation proportionnelle. Alain déclare: la représentation proportionnelle est un système évidemment raisonnable et évidemment juste. Seulement, partout où on l'a essayé, elle a produit des effets imprévus et tout à fait funestes par la formation d'une poussière de partis dont chacun est sans force pour gouverner, mais très puissant pour empêcher. Et Alain, surtout, disait que dans le cadre de l'arrondissement, l'électeur avait la haute main sur son député. Il le connaît, il peut, en bon vigilant, citoyen contre les pouvoirs, les excès de pouvoir, il peut le contrôler. Il a publié après un livre qui s'appelle « Les éléments d'une doctrine radicale » et cette idée est au centre de sa conviction. Ah, tout à fait. Inversement, Aristide Briand, lui, en 1909, lors d'un déplacement à Périgueux, déclare: à travers toutes les petites mares stagnantes, croupissantes, qui se forment et s'élargissent un peu partout dans le pays, il convient de faire passer au plus vite un large courant purificateur qui dissipe les mauvaises odeurs et tue les germes morbides. Alors évidemment, il défendait là le remplacement du scrutin d'arrondissement par la proportionnelle, et il faut bien dire que l'expression « ma stagnante » est restée tellement ancrée dans le souvenir historique qu'on y revient sans arrêt quand on veut attaquer le scrutin d'arrondissement. On peut regarder les choses de près parce que cet épisode est essentiel. C'est le moment de notre histoire républicaine où un gouvernement va tomber sur la question de la représentation proportionnelle et tomber devant le Sénat. Quand il était président du Conseil en 1910, Briand avait déjà lancé l'idée, puis il s'était rendu compte que pour des raisons parlementaires, il valait mieux la retirer. C'est le moment où, à propos de son ami Barthou, il disait « sa pensée est claire comme de l'eau de roche ». Et à son instar, elle épouse la forme de toutes les carafes. On aurait pu probablement appliquer ça aussi à Briand. Mais dans la biographie, la belle biographie qu'en donne Bellon, je relève avec cette citation le fait qu'il a été renversé au Sénat un peu plus tard quand il a repris l'idée. Et renversé par qui? Renversé par Clémenceau. C'est un des deux cas où un gouvernement a été renversé au Sénat. Oui. Alors effectivement, la Chambre des députés avait voté la réforme du scrutin. Et finalement, cette réforme va aboutir, après la guerre, après la Première Guerre mondiale, pour les élections de 1919. Il y a une alliance qui est entre la droite et une partie de la gauche. Charles Benoît, qui est un des représentants de la droite conservatrice, et rejoint Joseph Reynac, qui est un ancien gambettiste, qui publie un livre qui s'appelle « La réforme électorale » à l'époque, en 1912. Et il a cette citation qui me paraît pouvoir déjà annoncer un peu les chagrins de François Bayrou aujourd'hui en face de Macron. Il cite Lincoln en 1912 à ce propos. Il dit « Quand ma femme veut que la fenêtre... » C'est une époque. « Quand ma femme veut que la fenêtre soit fermée et que je la désire ouverte, elle me propose un compromis et elle ferme la fenêtre. » Effectivement. De fait, une partie de la droite, notamment les formations les plus restreintes, les plus modestes, veulent absolument être représentées et s'allient à la gauche pour obtenir la réforme du scrutin en faveur d'une proportionnelle. Quel est le système de 1919 qui apporte la chambre bleu horizon, alors, bien connue? Là, nous arrivons en 1919 à un troisième mode de scrutin. C'est ce qu'on appelle le scrutin mixte. En partie majoritaire, en partie proportionnel. Un seul tour, on vote dans le cadre du département, et la liste qui obtient plus de 50%, la majorité absolue donc, va prendre la moitié des sièges. Et le reste va être distribué à la proportionnelle. Y compris au profit des vainqueurs. Exactement. Ce qui fait un système de valorisation de la majorité, un peu comme aujourd'hui, selon le système qu'on a depuis adopté pour les municipalités. Voilà. Présence de l'opposition, mais domination de la majorité. Au fond, le scrutin reste majoritaire, largement majoritaire, oui. Au demeurant, dès 1928, on en revient au système ancien d'arrondissement. Et d'ailleurs, les chroniqueurs de l'époque, c'est intéressant du point de vue de l'influence des groupes de pression, notent que alors qu'une grande partie de la droite était favorable à la proportionnelle, elle doit tenir compte du fait que les bistrotiers, influents dans les élections, sont tout à fait favorables aux deux tours, parce qu'ils sont bons pour leurs affaires. Alors, il faut remarquer, du reste, que ces scrutins de 28, 32 et 36... avec retour au scrutin d'arrondissement, donc, n'a pas du tout permis de créer les majorités que les défenseurs du scrutin d'arrondissement suggèrent. Car il y a eu une succession de gouvernements, de ministères, entre Poincaré et Pétain, c'est-à-dire entre 1928 et 1940, qui fait que chacun des gouvernements à une durée moyenne de un peu plus de 6 mois. Donc l'argument en faveur du scrutin d'arrondissement pour obtenir une majorité capable de gouverner n'est pas un bon argument, en tout cas en France, ce n'est pas prouvé du tout. Il revient au général de Gaulle, au moment de son gouvernement provisoire de 1945, de choisir un mode de scrutin. Il y consacre 2 pages fort intéressantes dans ses mémoires de guerre, où il explique qu'il y avait en face de lui soit les partisans d'un retour à un système d'arrondissement, comme sous la troisième, mais il en a lui-même vu les inconvénients, tels que ceux que vous venez d'évoquer, Michel Vinocq, et de l'autre, du côté notamment des communistes, l'appel à un système de proportionnel national, intégral. Et il écrit... À en croire ces doctrinaires, l'équité ne pourrait être arithmétiquement et moralement satisfaite que si chaque parti, proposant à la France entière une seule liste de candidats, se voyait attribuer un nombre de sièges exactement proportionnel au total des voix recueillies par lui sur l'ensemble du territoire. C'est le système actuel d'Israël. Et évidemment, il rejette cela comme il rejette l'idée d'un retour au scrutin d'arrondissement. Il explique que pour les partisans des institutions d'avant-guerre, il fallait en revenir à l'ancien régime électoral, c'est-à-dire au scrutin uninominal d'arrondissement, indépendamment des principes radicaux et modérés, tendait à penser en effet que les notables qu'il faisait jadis élire retrouveraient individuellement l'audience des électeurs dans les circonscriptions d'antan. Finalement, il choisit un système qui est intermédiaire et qui va, d'une certaine façon, lui coûter le pouvoir, c'est-à-dire la proportionnelle départementale. Évidemment, la vraie motivation à ce moment-là, c'est la menace communiste. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste, qui, dans l'entre-deux-guerres, n'était qu'un parti secondaire, qui est devenu un vrai parti important en 36, mais en 45-46, c'est le plus grand parti de France, qui va atteindre ou qui a atteint près de 28% des suffrages exprimés, et c'est la grande menace pour le général de Gaulle et pour la majorité, sans doute, des Français. Et voilà pourquoi, encore une fois, le choix d'un scrutin est très souvent circonstanciel. Et c'est pourquoi, en 58, nous ne sommes plus dans le même conditionnement, et cette fois, de Gaulle choisira le scrutin, le retour au scrutin uninominal majoritaire. Alors, en 1950-51, il y a à ce moment-là, en France, deux partis populaires extrêmement puissants, le Parti communiste d'un côté, 25% au moins, n'est-ce pas, du corps électoral, et de l'autre côté, le RPF, le mouvement du général de Gaulle, le Rassemblement du peuple français, qui a remporté les élections municipales de 1947 et qui, par conséquent, est un véritable menace puisque ce parti est tout à fait opposé à la 4e République et veut changer de système politique. Les partis qui sont au pouvoir sont les partis qui sont entre les deux extrêmes. Ils se sont appelés la troisième force, et pour ce scrutin de 51 extrêmement dangereux, ils vont non pas renoncer à la proportionnelle, mais inventer le système des apparentements. C'est-à-dire que, avant le vote, les formations qui ont des points communs, qui veulent s'allier, s'unir, eh bien, se déclarent, et que, lorsque l'on passe au vote, les listes apparentés, par conséquent, peuvent l'emporter. Prennent tous les sièges, en fait, et se les répartissent à l'intérieur d'eux-mêmes, pas la proportionnelle. S'ils ont, dans un département, 50% des voix, ils emportent l'ensemble des sièges. C'était vraiment pipé les dés, l'opinion l'a ressenti comme cela. Alors, il y a quelque chose de très unique là-dedans, mais il faut bien penser que les gaullistes et les communistes, qui pouvaient avoir dans certains moments la majorité absolue de l'État, ne pouvaient pas gouverner ensemble. Il fallait bien que cette République vaille que vaille, elle marche, et qu'il fallait bien qu'il y ait une majorité, même si c'était une majorité de coalition extrêmement fragile, qui changeait sans arrêt. Mais j'aurais tendance, personnellement, à justifier cette loi des apparentements. Derrière ce tour de passe-passe apparent, il y avait en réalité une logique politique. Une logique politique, idéologique aussi, n'est-ce pas ? C'était quand même l'opposition, une double opposition au communisme stalinien d'un côté et de l'autre côté à un mouvement qui voulait remplacer une république par une autre. Arrive 1958 et à nouveau le général de Gaulle, il s'en est assuré la garantie par les ordonnances, il a à choisir le mode de scrutin pour les élections qui vont suivre le référendum adoptant la nouvelle constitution qui va être celle de la 5e République. Et il fait un tour de table au gouvernement sur ce point. Or, il constate que ses ministres sont très divisés. Et certains, je me réfère au très beau livre de Georgette Elgès sur la période, cette période de l'histoire du général de Gaulle, sur le deuxième semestre 1958. Elle rappelle que certains membres du gouvernement, avec Jacques Soustelle, sont persuadés que le scrutin d'arrondissement ferait le jeu des notables radicaux socialistes et par conséquent, et des socialistes avec, qui avaient une forte implantation locale. Et par conséquent, ils souhaitent le maintien de la proportionnelle. D'autres, comme Edmond Michelet, sont convaincus que la proportionnelle empêchera toute formation d'une majorité et paralysera l'action gouvernementale. Quant au MRP, ils ne voient pas la nécessité de renoncer à la proportionnelle. Là, il y a vraiment une continuité de Maurice Schumann, Bayrou. À l'époque, c'est Pflimlin qui est au gouvernement et qui défend cette idée. Et puis, on a Michel Debré, qui a toujours préconisé le scrutin d'arrondissement à un tour et qui déteste la proportionnelle. Vous allez l'entendre, en 1978, il y a une continuité dans ce refus délibéré, passionnel de la proportionnelle. Nous sommes le 31 janvier 1978 dans Interactualité. J'ai la conviction que le scrutin à la proportionnelle est le plus mauvais des scrutins. on se plaint parfois qu'il y ait une majorité. On se plaignait jadis que cette majorité fut inconditionnelle, puis on s'est plaint ensuite que cette majorité ne fut pas inconditionnelle, et on a comme tout remède la notion de supprimer toute idée de majorité et de remettre les institutions aux mains des états-majors de parti, ce qui est le résultat fatal de la proportionnelle. Je suis depuis toujours persuadé que si l'on veut la fin de la République, on peut instituer la proportionnelle. La fin de la République, rien que cela. Oui, alors les Anglais, évidemment, sont le modèle, puisqu'ils pratiquent le scrutin uninominal à un seul tour, de sorte que les petits ou moyens partis qui se situent entre le parti travailliste et le parti conservateur, eh bien, sont complètement écrasés. Et bipartisme assuré. Avec d'ailleurs parfois un basculement, puisqu'à un moment donné, les travaillistes ont remplacé les libéraux. Mais enfin, toujours deux partis tête à tête. Oui. Ce bipartisme est très largement produit par ce mode de scrutin qui est unique. Et du reste, le mode de scrutin français est également unique. Alors lui, il est à deux tours, mais néanmoins, dans l'ensemble des pays européens, démocratiques, on pratique le scrutin de liste ou le scrutin proportionnel ou majoritaire, mais de liste. Pour la proportionnelle intégrale, nous situons Israël, mais aussi le Parlement européen, après tout, à hauteur maintenant de la nation tout entière, comme circonscription, la Belgique, et puis parfois des combinaisons de proportionnel et de scrutin auxquelles beaucoup songent aujourd'hui en Allemagne ou en Italie. Voilà. Alors depuis 58, il y a eu un moment d'infidélité au système qu'avait choisi De Gaulle en 1958, du scrutin uninominal. Ben, il y a eu surtout, après la victoire de François Mitterrand, l'élection présidentielle de 1981, il y a eu cette volonté du président de la République d'appliquer le programme du Parti Socialiste qui avait été élaboré en 1971 et qui faisait mention d'un retour au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. C'est ainsi que, en 1985, en vue des élections de 86, la majorité qui est socialiste va décider de ce retour à la proportionnelle. Alors, c'est une décision de François Mitterrand qui a été très contestée, et en particulier par Michel Rocard, qui a démissionné de son poste de ministre de l'Agriculture, parce que il estimait que le scrutin majoritaire était indispensable pour la bonne marche des institutions. Il a démissionné pendant la nuit, effectivement, à 2h47 du matin. Et Jean-Claude Casanova, que vous receviez dans la commission que vous présidiez avec Claude Bartolone, Jean-Claude Casanova, qui est proportionnaliste, ardent, raconte que Mitterrand lui a dit quand il lui rappelait que Michel Rocard était contre la proportionnelle. Vous savez, quand on a cru à l'autogestion yougoslave, on peut croire n'importe quoi. Oui, mais à vrai dire, c'était pas seulement une question de principe, c'était que il y avait, comme toujours dans cette décision, un intérêt politique. Qu'est-ce qui menaçait en effet la majorité socialiste et François Mitterrand lui-même? C'était le retour de la droite au pouvoir. La droite qui ne cessait de se renforcer, on le voyait d'après les sondages et les scrutins partiels. Et par conséquent, on a accusé François Mitterrand de faire en sorte que la droite n'ait pas de majorité en rétablissant la proportionnelle qui allait profiter aussi au Front National. Qui jusque-là était évidemment très sous-représenté par rapport à son poids politique à cause du scrutin d'arrondissement. De manière sans doute injuste. Mais en tout cas, le Front National n'avait jamais de député ou n'en avait qu'un seul, alors qu'il pouvait prétendre à 15% des voix, etc. Et cette fois, on a accusé Mitterrand de pratiquer une magouille, n'est-ce pas, pour obtenir ce qu'il voulait, l'impossibilité pour la droite d'avoir une majorité, parce que entre la droite et le Front National, il n'y avait pas d'accord possible. Il n'avait jamais caché d'ailleurs son jeu, puisque dès 1950, dans son petit parti de l'UDSR, François Mitterrand disait que, et au fond il était aussi pragmatique que De Gaulle à cet égard, qu'il ne mettait point d'éléments de doctrine dans le mode de scrutin. Celui que je choisirais doit résulter d'une option politique. Il y a un certain nombre de points qui nécessitent cette option. Quel est l'intérêt de la nation? Quel est l'intérêt de la majorité à laquelle j'appartiens? Quel est l'intérêt du parti auquel j'adhère? 1950, 4e congrès national de l'UDSR, il n'a pas changé en 1986? Oui, mais depuis 1971, c'était écrit noir sur blanc dans la doctrine du Parti socialiste qu'il fallait remettre le scrutin de liste à la proportionnelle en remplacement du scrutin d'arrondissement. Donc c'était à la fois un principe de son parti et une occasion, évidemment, de combattre l'adversaire, la droite en l'occurrence. Cette fidélité affichée à une longue tradition de la doctrine socialiste va évidemment servir d'argument à ceux qui, dans le camp de Mitterrand, défendent la modification, contre l'idée que ça puisse être une manœuvre d'aucune sorte. Alors, nous en arrivons pour finir et nous revenons à notre actualité. En quoi cette histoire, Michel Vinocq, éclaire-t-elle les controverses d'aujourd'hui ? La première conclusion, je crois, est de comprendre qu'il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Les deux modes de scrutin sont d'une nature différente. Le scrutin majoritaire, en effet, est un scrutin d'affrontement qui se répercute à l'Assemblée, gauche contre droite, majorité contre opposition, alors que le scrutin proportionnel aboutit à peu près inévitablement à des gouvernements de coalition, c'est-à-dire de coopération entre plusieurs partis. Alors, ou d'impuissance mutuelle. Oui, alors effectivement, ça peut être cause d'instabilité. Mais pas forcément. On a quand même l'exemple de nombreux pays d'Europe où ça marche. Mais ça peut paralyser aussi quand il y a un affrontement entre deux camps qui sont obligés de vivre ensemble. Effectivement, mais c'est pourquoi on a vu que les gouvernements de la troisième force sous la quatrième république n'étaient pas forcément stables. Hein, bon, mais il y a un avantage quand même. Aussi, un autre avantage, c'est que si plusieurs formations sont unies, la majorité qu'elles constituent repose sur une base électorale élargie. La représentativité y gagne. On n'a plus un gouvernement qui repose sur 20-25% d'électeurs, mais là, pour le coup, peut-être qu'on atteint la majorité absolue. Les critiques de la proportionnelle font observer aussi que c'est un moyen pour les caciques des partis, pour les cadres, de se perpétuer à coup sûr, ce qui peut avoir aussi quelques inconvénients. Ils ne sont plus sous le feu du suffrage universel. Il faut ajouter que le système proportionnel appelle toujours une complexité beaucoup plus grande, c'est moins lisible. Comment répartit-on les restes ? Plus fort reste, plus fort moyenne. Je n'entre pas dans cette complexité, mais souvent les citoyennes et les citoyens ont de la peine à s'y retrouver, ce qui n'est pas sans inconvénient. Le problème aujourd'hui, c'est que avec notre scrutin majoritaire uninominal, il y a un défaut de représentativité. L'Assemblée d'aujourd'hui est très loin de représenter la diversité du peuple français. Aussi bien du point de vue politique, par exemple, les extrêmes ne sont pas ou très peu représentés, que du point de vue économique et social. Combien y a-t-il d'ouvriers, d'employés aujourd'hui qui sont députés ? Extrêmement peu. Donc, il est certain que le scrutin d'aujourd'hui est un scrutin non seulement injuste, mais un scrutin dangereux, en un sens, puisque il alimente la revendication, la protestation, la manifestation, il alimente la demande de représentation plus équitable. Mais en sens inverse, il assure la gouvernabilité du pays et le maintien, c'est l'argument des arrondissementiers. Voilà, mais alors, il faut remarquer, nous l'avons dit, que quand, sous la Troisième République, ce mode de scrutin est appliqué, eh bien, il ne provoque pas du tout le système biparti à l'anglaise, mais pas du tout. Par conséquent, l'argument tombe. Que faut-il faire ? Eh bien, dans notre commission, nous étions à peu près d'accord, nous étions une vingtaine, bon, alors pas forcément unanimes, mais la majorité était d'accord pour en arriver à un scrutin mixte, voilà, un scrutin mixte à l'allemande ou plus ou moins sur le modèle allemand, c'est-à-dire qu'une partie, alors combien ? Ça, c'est la loi de débat qui en décidera, 30-40% des candidats pourraient être élus à la proportionnelle, et que le reste, 60%, soit élu, comme aujourd'hui, par le scrutin majoritaire. Et je crois que ce rééquilibrage serait bienvenu, bien compris, et défendu, il me semble, par l'opinion. Si on suit votre ligne, Michel Vinocq, il faudra évidemment préciser le détail, nous n'avons pas le loisir d'y entrer, le détail de l'organisation, il y a des systèmes différents qui sont proposés. Le débat reste ouvert, nous ne prétendons pas ici trancher. Nous avons au moins pu, grâce à vous, Michel Vinocq, présenter les éléments de cette controverse dont je crois nous avons démontré qu'elle était plus importante pour l'histoire de la démocratie, pour l'avenir de la démocratie, que parfois on ne le croit. Je renvoie aux conclusions, aux 17 propositions de votre commission, Bartholone-Vinocq, Refaire la démocratie, qui a été édité aux éditions Thierry Marchais. On trouve aussi, publié par l'Assemblée nationale, l'entièreté des débats, très riche sur cet avenir de notre système. Et puis, je voudrais rendre hommage aussi, mais ça n'a rien à voir, à moins que, à votre dernière publication. Votre bibliographie est immense et on en rappellera des éléments sur le site de Concordance des temps. Le dernier livre que vous avez publié est très remarqué et consacré à vos années d'enfance et de jeunesse. Il s'appelle « Jours anciens » paru chez Gallimard. Les références des documents sonores que nous avons utilisés seront naturellement disponibles sur le site de Concordance des temps et vous pourrez télécharger cette émission. Vous la réécoutez avant le prochain scrutin. Samedi prochain, nous parlerons des années folles. Pourquoi ? Parce que beaucoup les évoquent aujourd'hui. Après l'épreuve que nous traversons, les beaux jours reviendront, seront des années folles. Je nourrirai votre réflexion à cet égard en invitant sur ce thème Myriam Juhan. Lundi prochain à 9h, vous retrouverez le cours de l'histoire de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine à l'histoire du rire. On en a rudement besoin par les temps qui courent. Il faut agir, puisque le monde est à rebâtir. Choisissons de bons architectes. Tout français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme. Ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehorse, avec François Merlin à la discothèque et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Véronique Jolivet. Et maintenant, Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Tout français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme. Ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien. La France, à chaque nation, en tout temps servi d'exemple, comme disait Napoléon, toute l'Europe nous contemple. Avec les rois embêtés, faudra peut-être en découdre que nos nouveaux députés ne craignent pas l'odeur de la poudre. Tout français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme. Ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, prendre un propre à rien.